tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock Classics. girls and boys. Put that trip bell, mama, girls and boys. Put that trip bell, mama, girls and boys. Girls and boys. 18h-20h, Skyrock Classics. Classique, classique, 8h-20h. Yeah. Vous écoutez Skyrock Classics comme tous les dimanches soirs avec une spéciale Prince ce soir pendant 2 heures, que du son de Prince. Il nous a quitté cette semaine à l'âge de 57 ans et c'était à l'instant la bande originale du film Purple Rain. Et le son s'appelle I Will Die For You, suite du son, suite de l'émission avec Kiss. Un des plus gros titres de Prince à écouter tout de suite. On vous prépare aussi The Most Beautiful Girl et Purple Rain en version longue. Version originale, c'est 8 minutes de plaisir tout à l'heure, bougez pas. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock Classics. baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. It's plain to see, plain to see. C'est Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches, spécial Prince ce soir, artiste de légende au plus de 20 millions d'exemplaires vendus. L'album Purple Rain, extrait de son film justement, c'est la bande originale de son film autobiographique. On va se faire la version complète maintenant. Purple Rain, c'est Prince, à écouter maintenant et toute la soirée jusqu'à 20h. Et puis suivi du titre Diamonds and Pearls sur Skyrock. Purple Rain, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Skyrock Classics. Classics. KLA2SIKS. Classics. Classics. Skyrock Classics, Classics, Classics, 18h-20h. C'est Skyrock que vous écoutez, Skyrock Classics plus précisément entre 18h et 20h, on se fait les meilleurs sons de Skyrock Classics ce soir, spécial Prince, avec du Prince pendant 2h, il nous a quitté cette semaine, là c'était un extrait de son 4e album, vendu à près de 2 500 000 exemplaires à travers le monde, c'était Controversy, le son de Prince à l'instant avec un message de Nico, salut Skyrock, c'est possible d'avoir le mot de passe de mercredi dernier, et non, malheureusement il fallait bien les noter tous les matins cette semaine entre 6h et 9h, la totale des cadeaux du morning c'est pour l'un d'entre vous demain matin à 7h30, il va falloir préparer son téléphone, appeler au 0153 40 30 20 demain, juste après les infos de 7h30 et peut-être que vous repartirez avec 4000 euros de cadeaux. La suite de la spéciale Prince avec Sexy Motherfucker. C'est ce qui débarque tout de suite avant 19h et Alphabet Suite aussi. Et tiens quand même Nico, une chance de récupérer un mot de passe et d'écouter Vincent ce soir dans la spéciale de Difool, les meilleurs moments du morning. Si Vincent est sympa, il te lâchera peut-être le mot de passe que tu cherches. N'hésite pas à envoyer des messages ce soir. Pendant l'émission, soyez à l'écoute, spécial Prince jusqu'à 20h tout de suite. Et la liste des cadeaux demain matin, écoutez. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Avec You Got The Look, Prince sur Skyrock. Girl, the world's Thank you. 20h sur Skyrock. Yeah. Skyrock Classics. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Et ce soir, on rend hommage à Prince. Il nous a quitté cette semaine à l'âge de 57 ans. On écoutait Alphabet Street à l'instant dans Skyrock Classics. La meilleure émission pour terminer le week-end, terminer les vacances pour certains d'entre vous. Le son de Skyrock. On est reparti. On aura un super hommage ce soir à cet artiste ultra complet. Il savait jouer 27 instruments. Il est l'auteur et l'interprète de 32 albums. Il a écrit sa première chanson à l'âge de 7 ans. On écoute maintenant du son de Prince jusqu'à 20h en attendant sagement tout à l'heure le Hit US. Ce sera les 10 meilleures ventes aux États-Unis. Du Prince à retrouver aussi dans l'émission de Stéphane tout à l'heure. Et la spéciale de D-Fool entre 21h et minuit. On écoute Cream tout de suite. I Wanna Be a Lover juste après. Et When Doves Cry, ce sera le troisième son de ce nouveau quart d'heure qu'on attaque maintenant sur Skyrock. Je pense 100% Prince. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Urban music non-stop. Classics, tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock.

September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time. Tous les dimanches Skyrock Classics avec une spéciale Prince ce soir 18h-20h et le prince du cash c'est Diffoul, il sera de retour demain entre 6h et 9h avec des chèques de 1500 euros. Écoutez, quelle est votre radio préférée? Skyrock. Eh bien, ah bien joué Amélie, tu viens de gagner 1500 euros en direct sur Sky, bravo Amélie. Ben ouais, c'est bien ça. Non, j'y crois pas, je vous écoute tout le temps. Et eh ben si. T'as raison d'écouter Sky tout le temps, tu vois, ça rapporte. Ah bah ben, continue là maintenant hein. Oh, vous déchirez. Et ouais, vous avez bien raison d'écouter Skyrock. 6h-9h le morning de Diffoul, de retour demain matin avec vos chèques de 1500 euros si vous répondez Skyrock. Dès qu'on vous parle radio au téléphone, il y aura aussi des iPhone 6S, des Samsung Galaxy S7 à gratter. Et la totale des cadeaux du morning qui va tomber demain, ce sera après les infos de 7h30. Préparez bien vos téléphones. Faudra téléphoner, être le plus rapide au 01 53 40 30 20. Prince, de retour tout de suite. Avec 1999. Sans Prince jusqu'à 20h. C'est sur Skyrock, c'est dans Skyrock Classics. Tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock Classics. I was dreaming when I wrote this. Forgive me. tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock Classics. Unlucky for him again. He never had respect for money, it's true. That's why he never wins. That's why he never ever has enough to treat his lady right. He just pushes her away in a huff and says money don't. Grown accustomed to style. She had the cutest ass he ever seen. He did too, they were meant to be. He loved to kiss on the steps of his side. It looked like rain on the birds do fly. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that rebel among the girls and boys? He gave her all the love that anyone can, but she was promised to another man. So hard not to go insane. Birds to fly, looks like rain. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that rebel, mama, girls and boys? So real, I can take the breakup if you say that you care. He had to run away, his pride was too strong. It started raining, baby, the birds were gone. Oh, love you, baby, I love you so much. Maybe, maybe we can stay in touch. Meet me at another world, space and joy. Who's that rebel? Who's that rebel? Mama, girls and boys. Si fort, je sentais votre parfum. Votre sourire me dit que nous devrions nous parler. Sur la piste de danse, baby, fais cet appel pour moi. Oui, baby, sexe et beaucoup, ne résistez pas. Vous savez que vous aimerez ça, baby, oh, oh. Je vous enlacerai avec mes chants, baby. Pendant des heures, je veux vous étonner, baby. Fleurs dans votre bain, amour dans vos draps. Faire l'amour, où nous rencontrerons nous. Stay in touch. Another world, space, lips, face, happiness in a certain form is a feeling that I get real warm, warm. Happy when we get what we do, what we do. Happiness and mama is being with you, good Lord. Rebel, mama, girls and boys. It's such a rebel, mama, girls and boys. Girls. C'est Skyrock Classic, c'est 18h-20h, 100% Prince. Ce soir, on rend hommage à cet artiste de légende avec 2 heures de son Prince sur Skyrock. Il y a une grosse soirée qui se prépare. Je vous ferai le détail dans un instant. Là, on va découvrir, redécouvrir le son de Batman. C'est le film Batman de Tim Burton qui est sorti en 89. Prince avait fait ce titre qui s'était classé numéro 1 du Billboard, les meilleures ventes aux États-Unis. La bande originale de Batman par Prince, c'est maintenant, ça s'appelle Bat Dance sur Skyrock et c'est suivi de Raspberry Beret. Et le Joker qui rigole. Hey! 18h-20h sur Skyrock. Entre 18h et 20h, les meilleurs sons de Skyrock à se faire, à se refaire, à découvrir pour les plus jeunes d'entre vous. C'est spécial Prince ce soir pendant 2h avec Raspberry Beret. C'est ce qu'on écoutait à l'instant. Il y a un gros programme ce soir de très haut niveau sur Skyrock, comme tous les dimanches d'ailleurs, avec dans un quart d'heure le Hit US, le classement des 10 titres rap et R&B les plus vendus aux États-Unis. Juste après, la plus grande radio libre de France avec D-Fool et toute l'équipe. Et à partir de minuit tout à l'heure, minuit 2h, l'émission Rail de référence avec DJ Kes qui reçoit ce soir DJ Amida avec Fred. Ce sera à partir de minuit tout à l'heure pour 2h de son hip-hop et orientaux. Pas loupé, on écoute le numéro 1 du Hit Skyrock, c'était ce matin, le son le plus vendu actuellement en France, Kiss, Prince. C'est ce qui débarque tout de suite avant 20h sur Skyrock, passez tous un bon dimanche soir à l'écoute de Skyrock Classics. T'écoutes Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Call me taking her back. Crucial. ladies and gentlemen, the dream we all dream of. Oh, please. Boy versus girl in the world. Skyrock Classics, tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. C'est Skyrock Classics que vous écoutez, la meilleure émission pour bien terminer le week-end. Ça se passe sur Skyrock avec du son 100% classique, une spéciale Prince qui a fait un bond dans les ventes. Il était numéro 1 du hit Skyrock ce matin avec ce son Kiss qu'on écoutait à l'instant. Sera-t-il numéro 1 du hit US? Sera-t-il la meilleure vente de son aux États-Unis? Puisque forcément, avec sa disparition, il y a plein de gens qui ont acheté les albums de Prince en souvenir. Stéphane, c'est ce qu'on découvre tout de suite. Ouais, évidemment, ça a chamboulé pas mal de choses. Donc forcément, le hit US va être chamboulé. C'est à découvrir comment se sont comportés les Américains avec Prince. Bah, c'est à découvrir maintenant dans la nouvelle révélation du hit US. Ok, du son de Prince alors, en surprise, à découvrir ce soir dans le US. Allez, c'est parti. Ciao Steph. 14h à New York, 11h à Los Angeles.